Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, L'usage du fleuve, une série de Martine Abbat réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a le plaisir de longer la rive. Ces après-midi où l'on va se baigner entre les cailloux chauffés par le soleil, il y a cette joie de faire sonner ses pas sur un pont et d'entendre sa voix répercuter sous les arches. Il y a aussi ces fleuves gris ou bruns, furieux et gonflés. Mais parfois, le fleuve déborde et emporte tout. Alors pour commencer, les personnages. Un géographe, un historien, le cousin Edmond, un photographe, un étudiant en terrasse, des flâneurs, des rameuses et un biologiste qui scrute la pureté de l'eau. Ensuite le décor, les crues du Rhône, Vaison-la-Romaine, le champ de la rivière, des alluvions, la confluence, un glacier, un chenal, des digues, des usines hydroélectriques, des zones inondables, fourvières et des anguilles. Aujourd'hui, troisième épisode, on est au bord du Rhône. On dit que les princes venaient visiter les sources ou s'approchaient des sources pour apprendre les secrets de la nature. Ce qui passe devant nos yeux, là, c'est pas H2O, c'est H2O plus la vie. On a un horizon immense, immense. L'usage du fleuve. Les rivières, et même les petites, sont des personnes. Le fleuve fâché. Survenant après les désastres d'Italie, la crue du Rhône et de ses affluents a plongé dans l'angoisse pendant de longs jours toute la population. Sorti de son lit, le fleuve s'est répandu sur des milliers d'hectares, coupant la ligne du chemin de fer Paris-Marseille et nombre de routes. Impossible d'aller plus loin, le camping est complètement submergé. De l'eau, de la boue à perte de vue. La furie de Louvèze et le cauchemar des 6000 habitants de Vaison-la-Romaine. Une vague de 4 mètres de haut a tout emporté sur son passage, pont, arbres, voitures. Une crue de 5,50 m a même été mesurée ce matin. Aujourd'hui encore, il a fallu évacuer des centaines d'Arlésiens dans les quartiers nord de la ville. Le Rhône est un Rhône bruyant. Dès les sources, il y a un tintamarre épouvantable. Tout d'abord, quelques informations communiquées par la météorologie nationale. Demain, les orages... Dans la première moitié du 16e ou au milieu du 16e siècle. Un bruit effroyable. Le Rhône est un Rhône bruyant. Il est bruyant dès sa source parce qu'il annonce ainsi sa grandeur, quoi, et sa force. Alors là, vous parlez d'un fleuve qui a disparu, parce que c'est le fleuve du 19e siècle. À l'époque, le Rhône... Au fond du lit, les galets, vous pouviez les entendre rouler. Vous pouvez écouter le son des graviers. Aujourd'hui, la rivière ne chante plus. Voilà. Attendez, je vous ouvre. Regardez à gauche. Vous voyez, il n'y a pas de courant là, il n'y a que du courant quand il y a des lâchers de barrages. Est-ce que vous, Jacques Rossio, vous avez le souvenir d'un fleuve différent? C'était moi, quel paysage? Non, je n'ai pas de souvenir, moi je ne suis pas lyonnais. Moi je suis de la banlieue parisienne et je me suis installé à Lyon dans les années 60, donc je n'ai pas connu l'ancien Rhône. L'ancien Rhône, pour moi, ça relève du récit, parce que j'avais des cousins. Très différent d'ailleurs, il y avait le cousin Edmond, puis il y avait le cousin René. Le cousin Edmond, lui, il travaillait au Temps, le journal Le Temps, qui s'était replié à Lyon pendant la guerre. Et le cousin Edmond, qui décrivait le Rhône, qui mythifiait un peu. Il l'avait vu quand même, lui, il l'avait bien vu, mais il en faisait un fleuve terrible, quoi, avec des crues... Il disait que c'était quelque chose, que c'était terrible, l'autre, qu'il fallait le voir, que c'était bouillonnant, et que ça pouvait être dangereux. Et ça, c'était avant les travaux de la CNR. Maintenant, ça n'a rien de dangereux, le Rhône. Rien du tout, rien du tout. Maître Appian possédait 80 chevaux de remonte, qui n'avaient pas leur pareil sur le Rhône. Lorsque le contremaître claquait son fouet et qu'il tirait le câble et tous les bateaux, il mettait le branle aux rives du fleuve. Ici, à Lyon, en hâte et en émoi, les crocheteurs et les bateliers charrient, se font la chaîne, entassent et puis arriment. Les pontons grincent et les marchands forains disent adieu aux parents et aux femmes. Les contremaîtres dans la foule délient les anneaux d'ancre. Chacun son navire. Ils lèvent posément leur chapeau et font le signe de la croix. Voyez Maître Appian, il a les bras en l'air. Par le nom de la Sainte Vierge de Dieu, au Rhône maintenant. Sa voix retentit dans les lointains très brouillardeux du fleuve. On a beaucoup écrit sur le Rhône, sur l'ancien Rhône, sur les gens du Rhône, sur les vieux bateliers, et on a beaucoup mythifié, on a folklorisé. Mistral était un grand poète, mais ça n'était pas un historien. Et alors donc, il faisait de ces gens une population spéciale, communiant avec le fleuve qui était un être extraordinaire, évidemment, colossal, un taureau furieux, hein, c'est le Rhône du cousin Edmond. Là, enfin, il dit un taureau furieux qui court vers la mer, c'est ça ? Qui court vers la mer, voilà. Donc un être tout naturel, tout à fait extraordinaire. Et ces travailleurs du Rhône étaient vus en communion avec cet être extraordinaire. Donc ils rivalisaient avec lui, ils étaient du même rang. Donc c'était des colosses, c'était des hommes qui triomphaient de tout, et c'était des hommes qui communiaient avec le Rhône. C'est-à-dire qu'ils plongeaient leurs mains dans le Rhône avant de se signer, et puis ils buvaient du Rhône pour absorber sa force, pour s'incorporer au Rhône. Quand un fleuve ou une rivière arrive d'une zone de montagne, généralement, il ne transporte pas uniquement de l'eau, il transporte des sédiments, il transporte des graviers. C'est une sorte de tapis roulant où le gravier s'écoule un petit peu comme l'eau, mais pas du tout à la même vitesse. Hervé Piéguet, il faut imaginer géographe. Que dans les plaines alluviales, le chenal d'un fleuve est dessiné dans ses alluvions. Si vous prenez un fleuve comme le Rhône, quand il arrive dans le Piémont, à la sortie de la zone alpine, il a tellement de sédiments à transporter, il ne peut pas tout transporter, donc il en laisse sur place et il forme une multitude de bras qui enserre en quelque sorte des bancs de galets, qui met en mouvement progressivement, mais il y en a tellement qu'il a du mal à les exporter. Il faut imaginer une multitude de bras en eau, qui sont plus ou moins sinueux, qui viennent se retrouver et se séparer. Et cette tresse est dynamique. C'est-à-dire que vous venez maintenant, vous voyez une multitude de bras, et puis vous venez en période de basse eau, il n'y en a plus que deux ou trois. Donc il y a cette respiration qui dépend du débit que vous avez dans la rivière. Et puis de crue en crue, ces chenaux se déplacent, ces chenaux disparaissent et réapparaissent sous une autre configuration. Le Rhône, il ressemblait à ça, avant. Oui, oui. Donc ça pouvait représenter effectivement des paysages spectaculaires. Le tracé en plan d'un cours d'eau, on appelle ça le style fluvial. Donc c'est une rivière qui avait du style. La phallocratie fluviale. Quand madame épouse monsieur, madame prend le nom de monsieur. C'est quand même incroyable. La Saône et le Rhône sont mariés à la confluence. Et comment elles s'appellent ? Le Rhône. On devrait leur trouver un nouveau nom puisqu'ils sont devenus une nouvelle entité. Mais étant donné que les deux noms se ressemblent, c'est un peu difficile de faire un mélange, quoi. Là ou le. Attendez, en France, on a la Seine, la Loire, la Garonne. On a peu de rivières masculines, en fait. Je sais bien. Donc, laissons son statut à monsieur. Écoutez, ça peut lui faire plaisir. Le Rhône. Non, mais vous savez, elles sont vraiment très, très genrées, ces rivières, parce que le Rhône, bon, il est très, très majestueux, très magistral. Hein. Bon, il vient quand même de loin, il va loin, il passe quand même par le lac Léman. C'est pas rien, quoi. Monsieur a fait son petit parcours. Et puis, vous savez qu'il a cette couleur émeraude, quelle que soit la couleur du ciel. Il est, on va dire, il est un peu imbousculable. Et la Saône prend toujours la couleur du ciel. Elle est plus... elle est plus lunatique, on va dire. Vous voyez ? Elle est changeante, elle est beaucoup plus changeante. Peut-être elle est plus coquette aussi si elle change de couleur comme ça. Je sais pas. Son niveau monte beaucoup plus quand il pleut. Donc je pense que il y a un côté très, très sexué en fait dans ces deux rivières qui se marient. Et on appelle ça aujourd'hui la confluence, mais au Moyen-Âge on appelait ça l'union ou les épousailles des deux rivières. Donc, elle est un peu trompeuse aussi. Vous voyez, si vous ne saviez pas dans quel sens elle coule, vous diriez quoi là ? Jules César l'avait remarqué quand il a conquis Lugdunum. Il a dit « je ne sais si elle coule ou reflue ». C'est une des seules rivières au monde qui a cette particularité. Elle est traîtresse. Ça fait beaucoup, hein ? Vous l'aimez bien ? J'adore. J'aime les deux. J'aime les deux et j'adore la confluence. J'adore l'endroit où les deux eaux ne sont pas vraiment mélangées. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est seulement au bout d'un kilomètre qu'elles prennent une couleur mélangée. Ouais, je trouve ça romantique, poétique en tout cas. Dans un parc, quand on est assis face à face et qu'on... Déjà, on s'assoit face à face dans un parc. Alors si on n'a rien à se dire, on n'est pas dans la merde. Mais si on s'assoit au bord d'un fleuve, on s'assoit côte à côte et on peut regarder le fleuve. Ces fleuves, ils sont changeants, ils sont toujours changeants. Bon là, les eaux sont très claires parce que commence à faire très froid en montagne. Ils sont changeants dans leur volume. Mais si vous étiez venu au mois de juillet, vous n'auriez pas du tout cette couleur-là. Ils sont animés de remous, de giration. Mais le Rhône, si vous venez au printemps, il est laiteux en fait. C'est très laiteux. Et ça, c'est caractéristique du Rhône. Ce sont des êtres étranges. Disons que le fleuve fabule le lointain. Jacques Rossio, historien. Il fabule le lointain parce que aucun homme, au Moyen-Âge, ou même à l'époque moderne, ou même contemporaine, ne connaît le fleuve de la source à la mer. Aujourd'hui, c'est possible. Hein. Aujourd'hui, on peut aller au Saint-Gothard, on peut aller au glacier de la Lèche, et puis le lendemain ou le surlendemain, être à Aigues-Mortes. Mais ça n'était pas possible. On n'en connaissait qu'un tronçon. Et donc cette absence de connaissance, ça alimentait l'imaginaire. Oui, ça alimente l'imaginaire, parce que je disais, il fabule le lointain comme la mer. La mer fabule aussi le lointain. Et la connaissance, elle est de l'ordre du récit. C'est le cousin Edmond, quoi, la connaissance. C'est le récit, c'est ce qu'on a entendu. La première expérience du Rhône, elle est fabulée. Donc le fleuve est fabulé. On le voit, il coule, hein, c'est de l'histoire liquide, quoi, il coule d'un point à un autre, mais on ne connaît pas son lieu de naissance. On a découvert l'Amérique avant les sources du Rhône, si vous voulez. Mais jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les hommes ont cru, que ce soit dans le moyen peuple ou chez les doctes, que le Rhin, le Danube et le Rhône sortaient de la même montagne. On savait que ces sources étaient lointaines, qu'elles étaient situées dans une montagne-mer, la mer des fontaines. Il y avait une communauté des sources, des grands fleuves d'Europe, des fleuves qui organisaient l'Occident. Comme les fleuves de l'Éden organisaient le monde. Là, on a quatre fleuves, si on y joint le Tessin, d'autres ont... Ils ont adjoint l'Elbe, quatre fleuves organisant le monde. Chaque grand fleuve sécrète peu à peu son histoire, son caractère, sa personnalité propre. Il devient l'image d'une nation ou d'une capitale, un nom qui claironne. Pour le philosophe, il a toujours évoqué l'idée du temps, peut-être parce qu'il ne coule jamais à contre-courant. Sauf en mythologie ou en poésie. Au cartographe, il suggère une artère principale dans le corps d'un pays. Mais pour l'historien, c'est toujours une route, une voie de circulation par laquelle les peuples de l'univers ont toujours accompli leur lent pèlerinage vers les sanctuaires, ou plus prosaïquement et plus récemment, leur voyage d'affaires à la recherche de clients pour leurs marchandises. Il y Vous avez photographié le Rhône de bout en bout, puis le glacier où il prend naissance jusqu'au delta, sur plusieurs années. Est-ce qu'on peut regarder... Enfin, votre livre commence par... Alors, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là que vous avez commencé. Le glacier. Le glacier qui donne naissance au Rhône. Ce qu'on voit, c'est assez énigmatique, parce qu'il y a un promeneur qui contemple le glacier, mais qui a une valise à roulettes à ses pieds. Qui transporte d'ailleurs, la légende ne le dit pas, mais des cailloux, puisque c'est un minéralogiste américain qui traverse les différents glaciers européens en été et qui vient récupérer des pierres qu'il va revendre ensuite outre-Atlantique. Bertrand Stoufflet, photographe. Ce personnage habillé en plus un peu comme un explorateur avec une espèce de chapeau à la Baden-Powell, un sac de scout, enfin voilà, tout ça. Et juste derrière, il y a un petit espace bétonné, puisqu'il faut franchir un magasin de souvenirs du glacier du Rhône. Et en fait, au bout du magasin, il y a une petite billetterie et on passe un tourniquet. Et là, on va marcher 1 kilomètre sur le glacier. Alors, vous parliez de souvenirs. Quand on voit les deux images suivantes, on se dit que le glacier, bientôt, ça sera vraiment un souvenir. Là, il est protégé par des bâches qui sont censées retarder sa fonte, c'est ça ? On arrive sur un espace qui est chaque année reconstruit, qui permet de vivre, d'expérimenter le fleuve au plus proche de lui-même, c'est-à-dire de pénétrer dans le glacier. Donc, est fabriqué de façon artificielle dès le mois d'avril, je crois, ou de mars, un tunnel dans le glacier. Et c'est là où je trouve l'intérêt de cette source-là, c'est qu'on est vraiment sur ce fantasme d'aller au plus près de l'endroit où la chose prend naissance. Et là, on est avec cet espace-là construit en avril, fond naturellement avec les beaux jours, et donc pour le préserver, il se retrouve voilé, un peu comme un linceul. Enfin, ça devient une citation de sa fragilité. Et c'est ça que vous voulez montrer dans votre travail sur ce fleuve, c'est à quel point la nature sauvage, évidemment, n'existe plus ou à très peu d'endroits tout au long de son cours, et comment on essaye de recréer artificiellement les conditions de son existence. C'est un mensonge, en fait, ce fleuve. Ce n'est pas un mensonge, mais effectivement, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment s'articulent ces rapports nature-culture, sauvage-domestiqué, comment un espace qui est un fleuve, qui est vraiment le fantasme d'une nature un peu sauvage qui va amener des dangers, des inondations, etc., comment cet espace-là qui... au fil des millénaires a été aménagé à chaque fois, puis depuis 2 siècles particulièrement retravaillé par l'homme, conserve encore une petite part de sauvage que l'on porte au nu par moment, justement comme sur ce glacier où on peut le lire encore un peu, et conserve encore de ce pouvoir d'attraction. Les paysages fluviaux commencent vraiment à changer au XVIIIe et au XIXe siècle, quand on commence à souhaiter vouloir se protéger et qu'on commence à avoir une capacité technique nous permettant d'intervenir sur les tracés fluviaux. C'est l'époque des premières digues, qui sont des ouvrages qui sont parallèles aux cours d'eau, qui sont des levées de terre, qui protègent certaines terres de l'inondation. Au XVIIIe, XIXe siècle, on a de plus en plus la capacité de dompter, de contrôler les fleuves pour assurer d'autres usages, favoriser d'autres usages. Et l'un des grands enjeux à l'époque, c'est notamment de favoriser la navigation. La première phase d'aménagement qui va être spectaculaire par les investissements qui vont être réalisés, c'est une phase qui se met en place à la fin du XIXe siècle, avec des aménagements qui vont corseter le fleuve, faire en sorte que le chenal en tresse dont on parlait tout à l'heure devienne un chenal unique, resserré, plus étroit évidemment, mais qui concentre toute l'eau que vous aviez dans ces multiples bras. Donc on va créer des ouvrages, et c'est un ingénieur qui va finaliser en quelque sorte l'opération, c'est Girardon, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Il va créer une multitude de digues à l'intérieur du chenal en eau principal, donc des ouvrages en pierre, hein, perpendiculaires au cours d'eau, et qui vont former des casiers qui vont progressivement se sédimenter. Les aménagements Girardon, c'est près de 300 km, vous voyez, 600 km de berge, de Lyon à Arles. Donc ça va fonctionner en fait, ça va petit à petit, on va obtenir un lit plus constant et plus rectiligne. Oui, ça va très très bien fonctionner, ça va même être, le fleuve va se joindre aux hommes pour faire en sorte que la voie devienne de plus en plus navigable. Parce qu'en concentrant l'écoulement, on concentre aussi l'énergie dans un seul chenal, et donc il va être amené à s'inciser à l'intérieur de son lit. C'est-à-dire qu'il va se creuser. Il va se creuser. Il faut imaginer qu'en quelques décennies, le fond du lit va baisser et le niveau d'eau va l'accompagner. Donc sur le secteur de Pierre-Bénite, dans la section la plus amont qui a été aménagée, on a observé des incisions qui étaient de l'ordre de 3 mètres. Et donc, en partie, les milieux riverains vont être légèrement perchés. Son Excellence le Rhône était habitué à son lit et ça n'a pas été une petite affaire que de lui faire perdre, pour un temps restreint d'ailleurs, cette habitude ancestrale. Il a rué, il a grogné, il a cassé des câbles, il a emporté des enrochements et même une locomotive, et puis tout de même à la fin, il s'y est fait. En ce moment, il attend dans les tunnels de dérivation, à droite et à gauche, là, que l'homme lui restitue son lit, le sien, celui qu'il s'est fait durant des millénaires et au fond duquel je me trouve en ce moment. Ce jour-là, d'ailleurs, quand il l'aura retrouvé, ça chauffera. Et c'est bien ce que nous attendons tous. Oh, soyez tranquille, on prépare tout ce qu'il faut en bas à la sortie pour que précisément ce jour-là, ça chauffe. La deuxième phase d'aménagement se situe au XXe siècle. L'objectif, c'est toujours la navigation. On a des bateaux de taille un peu plus importante. On a besoin d'un tirant d'eau plus important. On a aussi des objectifs de connecter le Rhône au Rhin. Mais il y a aussi un objectif de production hydroélectrique. Et puis plus largement, un objectif de développement territorial et de développement de l'agriculture dans la vallée du Rhône et de l'irrigation. Donc cet aménagement, il est réalisé par la Compagnie nationale du Rhône, qui est créée en 1933. Qui donc se lance véritablement dans la construction des ouvrages hydroélectriques à partir des années 50. Le premier ouvrage, c'est le barrage de Génicia sur le Haut-Rhône qui date de 1948. En construisant sur le Rhône le barrage de Génicia, comme en poursuivant le vaste programme d'équipement hydroélectrique qu'elle s'est tracé, la France a pris des assurances sur l'avenir. Voilà bientôt un mois que ça dure. Quand le vent vient de l'est, on entend d'ici la rumeur confuse du chantier. Chaque jour, le père Normand traverse des pleins bateaux de gens du village qui vont faire un tour là-bas, pour voir comment se fait une dérivation. Le soir, quand ils reviennent, ils parlent de ce qu'ils ont vu. Il paraît qu'il y a au moins 10 pelles mécaniques, des tracteurs, des bulldozers, et plus de 30 camions. Sans compter les hommes, beaucoup d'hommes, avec des pelles, des pioches et des marteaux pneumatiques. La nuit dernière, pendant qu'il pêchait, Bertrand a dit « Demain après-midi, on va tous voir le chantier. Si tu veux venir avec nous, on te prendra en passant. » Gilbert n'a pas répondu. Il aurait trop mal de voir ça. Et pourtant, il voudrait savoir. Savoir exactement où ils en sont de leur travail. Savoir ce qu'ils font au juste. Quand ça va finir. Gilbert sent en lui cette haine qu'entretient la rumeur du chantier. Une rumeur qui achève de tuer la chanson du fleuve. La particularité de ces aménagements, c'est qu'on va créer des canaux qui seront parallèles au cours du fleuve. Et c'est sur ces canaux que l'on construira les usines hydroélectriques. On va capter l'eau et donc la puissance du fleuve par ces canaux. Pour ça, on va essayer de faire des canaux très longs et très rectilignes pour prendre des chemins qui sont le plus courts possible. Vous avez certains ouvrages qui peuvent faire une trentaine de kilomètres. 30 kilomètres de chenal, parallèle au lit du fleuve. Et oui, c'est des travaux extrêmement importants, titanesques. Des fois, on pense au barrage d'Assouan ou on pense aux Trois Gorges en Chine, mais on a des travaux extrêmement ambitieux d'aménagement. Et dans les années 60 ou dans les années 50, on parlait beaucoup de l'aménagement du Rhône, dont on était très fier, et on faisait le pendant, par exemple, avec les aménagements qui avaient été réalisés sur le Mississippi ou sur d'autres fleuves importants à l'époque, pour montrer, en quelque sorte, le rayonnement technique et la capacité qu'on avait à développer nos territoires. Et c'est là qu'on parle du Vieux Rhône. On a le Vieux Lit du Rhône. Alors, on parle de Vieux Rhône ou on parle de Rhône court-circuité. C'est-à-dire que c'est l'ancien lit du fleuve qui est parallèle au canal. Donc l'objectif pour produire de l'hydroélectricité, c'est de faire transiter le plus possible d'eau dans le canal, là où se situe l'usine hydroélectrique. Donc à l'amont, au moment où il y a la diffluence entre le canal et le Vieux Rhône, vous avez un barrage qui régule en quelque sorte les débits entre le Vieux Rhône et le canal. L'essentiel du temps, on fait passer un débit réservé dans le fleuve, qui est, à l'époque était relativement faible, et de l'ordre de 10 à 20 mètres cubes par seconde, là où on avait en plusieurs centaines de mètres cubes par seconde en débit moyen annuel. On a perdu évidemment énormément en débit, on a perdu beaucoup en vitesse, et on est passé d'un grand fleuve alpin à une rivière de plaine de taille modeste. Allez les gars, retournez-vous là-bas, retournez-vous. Venez vers moi. Les filles, passez l'autre côté. Oui, il y a ça. Ah, stop. En tête. On déroule. Et on est quatre. Le barreur, il tient le bateau, s'il te plaît. Barreur. Chanel, enfonce ton aviron dans la dame de nage. Pousse avec tes mains de sang. Voilà. Alors, je pousse Constance. Allez, bonne sortie les filles. Merci. Vous aviez déjà, comment dire, une expérience du Rhône avant de travailler à l'agence de l'eau? Vous, Laurence Clotte, je sais pas, vous y êtes baignée, vous y avez navigué Alors, ni baignée ni naviguée, mais par contre, moi je suis d'Orange, donc effectivement le Rhône passe à Orange, l'Aigle en premier, mais il arrive très très vite dans le Rhône, et il se trouve que mon père est de Caderousse, et que Caderousse est une ville très, enfin un petit village très très particulier, qui s'inondait en permanence, en fait, dès que les crues du Rhône arrivaient, le village s'inondait. Et il y avait toute une vie autour de... Des inondations, avec les lapins qui montaient dans les arbres. Et donc les gens prenaient les barques et allaient chercher les lapins dans les arbres pour les manger, etc. Sans compter tout le phénomène de limon qui, ensuite, derrière, rendait la plaine donc, de Caderousse très, très, très fertile. Un peu comme sur le Nil, quoi. Le Rhône d'aujourd'hui est encore dangereux, mais il n'est pas comme il l'était. Le Rhône, jusqu'au milieu du XXe siècle, était un cours d'eau dans lequel de fortes crues s'exprimaient dans tout l'espace fluvial, à travers les villes, les villages, les champs. La ville de Lyon a été ravagée en 1840 et 1856. En 56, Avignon, Arles ont été ravagés. Enfin, c'était le lieu de catastrophe. Jean-Paul Bravard, géographe. Là-dessus, une grande transformation s'est faite, c'était la construction des barrages hydroélectriques par la Compagnie nationale du Rhône. C'est presque 40 ans d'aménagement. Alors qu'est-ce que ça a donné? Certainement pas une protection contre les crues. Sauf que localement, il y a des digues qui contiennent l'eau. Et bien sûr, on peut dire que derrière les digues, il y a protection. Oui, il y a une protection directe, partielle. Mais jamais la CNR n'a stocké de l'eau de crue. Mais les gens croient que les barrages en sont capables. Et c'est là une des grandes ambiguïtés. C'est grave parce qu'ils disent, mais vous voyez, depuis 1955-57, nous n'avons pas eu de crue. Ce qui est vrai. Mais tout simplement parce que la nature n'a pas donné de crue. Et lorsque les crues sont revenues en 93, 94, 2002, 2003, les gens ont dit, mais on nous avait dit qu'on serait protégés. Ce qui n'est pas exact. Et la CNR a toujours eu très peur qu'on puisse leur opposer des crues. Mais non, ils n'étaient pas chargés de les retenir. Simplement, les crues sont redevenues ce qu'elles étaient. Et elles ont touché Arles, Tarascon, Avignon, etc. Donc, le danger demeure, mais il est, je dirais, plus localisé, plus circonscrit. Et un dernier élément, c'est que comme la politique de maintien des espaces inondables n'a pas été bien suivie par les élus locaux, ni par l'État, on est devant des territoires qui étaient les anciennes plaines inondables, qui se sont urbanisées, qui ont développé des industries, on voit des serres agricoles partout. Bien, et quand la crue frappe, l'inondation frappe ces plaines aménagées, développées, comme on dit, eh bien, bien sûr, les dégâts sont considérables. Et je vois que vous êtes installé une table pliante, des chaises, des verres à pied. Je vis juste ici, sur le quai Saint-Antoine, mais je vis en cours. Alors, si oui, j'ai pas de vue. Alors, il n'y a rien de tel que se poser ici avec une petite table et des chaises pour apprécier. Mais je reste pas longtemps tout seul parce que les gens ont une démarche souris et viennent. Souvent, j'ai pas un seul verre, donc ça aide à rencontrer d'autres gens. Pour vous, c'est l'espace idéal ici, juste ce quai orienté au soleil, contre le mur qui reflète la chaleur. C'est parfait là. Et effectivement, et j'ai la vue sur la colline de la Croix-Rousse, j'ai la vue sur la colline de Fourvière, le pont Bonaparte, les autres passerelles. C'est, voilà, c'est le spot assez agréable. Alors oui, alors sur cette image, on est sur une Laune, donc ce bras de fleuve qui remonte depuis le cours légèrement. On est au niveau de la centrale électrique, centrale nucléaire de Cruas. Au premier plan, on a ce cheval monté, accru par une femme et un enfant qui porte un petit polo de l'équipe de football locale. Et à droite, une voiture semi-immergée avec quatre personnages autour qui regardent tous un jet ski qui désigne une boucle au milieu de cette Laune. Et donc on a une espèce de vision un peu idyllique comme ça, d'un endroit où tout semble arrêté dans un équilibre harmonieux. Et en même temps, et c'est ce qui m'intéressait moi dans cette image-là, et ça a été un peu le fil conducteur de tout le projet du livre, c'est de montrer que ces usages spontanés dans un endroit naturel sont quand même sous-tendus par une tension d'un espace qui a d'autres usages. Et là, en l'occurrence, on a quand même ce fleuve qui est à 4 mètres de haut au-dessus de nous. On a en fait, le fond de l'image est fermé par la digue de la Compagnie Nationale du Rhône, qui fait entre 4 et 6 mètres de haut, ces digues selon les endroits. Donc le fleuve, il faut l'imaginer quand même 6 mètres au-dessus de nous. Donc c'est quand même une présence un peu inquiétante et redoublée en plus par une centrale nucléaire qui a un petit panache de fumée. Et donc on a ces usages-là qui se rencontrent dans un seul et même espace et qui semblent cohabiter de façon insouciante. Et c'est une espèce de fausse insouciance, en fait, que j'essaie justement de révéler par cet huilage d'enjeux et de réappropriation qui se déroule. Juste à la confluence de la Saône et du Rhône, ça fait une pointe. Aujourd'hui, il y a un musée, le musée des confluences. Il y avait quoi avant ? Avant, il n'y avait rien. Et tout ça, c'est du remblai. Laurence Claude, de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Beaucoup avancé sur l'eau. En l'occurrence, la confluence n'était pas là auparavant. Et donc, on a beaucoup, beaucoup manipulé finalement le fleuve. Avec ces 20 barrages qu'on a mis en place de façon à favoriser l'énergie hydroélectrique. C'est 20 barrages qu'il y a. On a 20 barrages sur les 520 km, donc ça fait à peu près 1 tous les 25 km. Et donc ces 20 barrages-là, avec ces 4 centrales nucléaires en plus, représentent 25% de la production électrique en France. Donc c'est un service énorme que le fleuve Rhône fournit. C'est une grande chance, mais de plus en plus, c'est-à-dire qu'avec le changement climatique qui arrive, on le sait, avoir un fleuve de cette nature-là dans une vallée, mais c'est un très très gros avantage, au niveau industriel, au niveau agricole, au niveau développement des villes, etc. Le Vaporetto arrive en escale de Bellecour. Nous vous remercions d'avoir voyagé à nos côtés et espérons vous accueillir de nouveau très bientôt. Ce fleuve, on l'a beaucoup modifié, on est beaucoup intervenu et ça a complètement transformé son fonctionnement. qu'est-ce qui s'est passé ? Transformer son fonctionnement dans le sens d'une banalisation. Et qu'est-ce que ça veut dire banaliser ? Ça veut dire que la richesse disparaît. Or, un fleuve est résistant quand il est riche. Qu'est-ce que ça veut dire, un fleuve résistant ? Ça veut dire un fleuve qui va pouvoir supporter des phénomènes de pollution. C'est un fleuve qui va pouvoir réagir s'il y a une très forte sécheresse ou s'il y a une très forte crue, etc. C'est un fleuve qui va pouvoir se régénérer. Or, quand on le barre en travers, comme on l'a fait là au niveau des centrales hydroélectriques, hein, avec les barrages, quand on le corsette avec les digues et avec les casiers girardons, ce qui se passe comme phénomène, c'est qu'on le banalise, c'est-à-dire qu'en gros, on le renvoie dans le chenal, il s'enfonce parce qu'il a une énergie telle que de toute façon, si on ne lui permet pas de s'étaler sur les bords, eh ben, il va s'enfoncer. Donc c'est un cours d'eau qui s'enfonce. Et un cours d'eau qui s'enfonce, c'est un cours d'eau qui va générer des problèmes sur les berges, hein, qui vont donc s'écrouler puisqu'elles ne sont plus sur les mêmes bases. Les ponts sont moins stables et c'est un cours d'eau qui va ne plus alimenter ses annexes. Or, un cours d'eau, ça n'est pas un canal. Un cours d'eau, c'est certes un chenal, mais c'est aussi une multitude de bras qui sont plus ou moins alimentés par l'amont, par l'aval et également de zones humides. C'est tout ça qui génère la biodiversité avec des espèces qui vont s'adapter ou qui vont nécessiter des paramètres différents. Or, quand les paramètres se réduisent, eh ben, on a une biodiversité qui se réduit. Par exemple, les anguilles et les aloses, encore dans les années 40-50, les aloses constituaient un stock phénoménal de poissons, et puis on ne les a plus vus arriver. En mai, elles arrivaient et ils allaient pêcher. Tout le monde savait qu'ils allaient pêcher les aloses. Et puis, on n'a plus vu arriver les aloses à partir du moment où les barrages ont été mis en place. Les anguilles, c'est la même chose. Les anguilles arrivaient jusqu'au canal de Savière, c'est-à-dire quasiment le lac du Bourget. On n'a pas vu une anguille sur Lyon depuis des années et on n'est pas prêt d'en revoir. Un milieu qui est riche, c'est un milieu qui se protège. Autrement dit, quand une pollution passe, si les poissons peuvent se mettre à l'abri dans des bras, ils laissent passer la pollution et ils reviennent. Quand il n'y a plus possibilité, par exemple pour les poissons, je donne l'exemple des poissons, mais des autres espèces, de se mettre à l'abri quand on a un phénomène un peu exceptionnel, que ce soit une sécheresse ou une crue, eh bien on a un milieu qui s'appauvrit. Or, les milieux qui s'appauvrissent, ce sont des milieux qui vont avoir des phénomènes d'auto-épuration beaucoup moindres. Or, l'auto-épuration, ça, c'est aussi un énorme service qui est rendu par les cours d'eau. Parce que si on voulait mettre en place des stations d'épuration pour compenser ce phénomène d'auto-épuration, ben, je pense qu'on n'y arriverait pas. Et qu'est-ce que ça a été le déclic pour commencer à imaginer qu'on puisse traiter différemment le fleuve, c'est-à-dire lui rendre un peu de sa respiration là où il était complètement étouffé ? Le déclic sur le Rhône, lui, c'est à partir des inondations de 1990 sur le Rhône. Et là, une prise de conscience des élus, hein, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe là au niveau des inondations ? Est-ce qu'on est finalement suffisamment protégé avec nos digues ? Et en réalité, ça n'était pas le cas. Parce que finalement, le fleuve, à un moment, déborde ses digues. C'est-à-dire, c'est comme une vengeance du fleuve. C'est-à-dire, le fleuve se comporte différemment à cause des infrastructures qui le corsettent. Exactement. Le fleuve réagit avec, tout simplement, avec son énergie. Et voilà, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise intention, c'est juste un phénomène naturel. Si on ne lui permet pas de s'étaler, ben il va s'enfoncer et puis il va générer ces phénomènes-là. Sur le Rhône, en 2002 et 2003, on a des phénomènes très très très très forts d'inondations, très graves. Et en 2002, donc là, les inondations importantes, notamment sur Arles, ont généré cette prise de conscience, alors là, à l'échelle du bassin, qu'il fallait faire quelque chose pour améliorer la situation. Donc le déclic premier, c'est l'inondation. Le regard qu'on porte aujourd'hui sur les cours d'eau a évolué. Peut-être il y a deux éléments à considérer. Le premier, c'est qu'on s'est aperçu qu'aménager les cours d'eau ne répond pas à tous les enjeux. Et notamment en matière de gestion du risque, les aménagements tels qu'on les a conçus dans le passé ont certaines limites. C'est-à-dire qu'on est protégé, mais jusqu'à un certain niveau. Et généralement, quand ce niveau est dépassé, on est face à des événements qui sont assez catastrophiques. Et que finalement, vivre auprès de la rivière, c'est pas seulement l'aménager. Dans certains cas, ce n'est pas de l'aménager. Le deuxième élément, c'est que ces aménagements, pour partie, ont conduit à une dégradation de la qualité écologique de la rivière. Et donc ça passe par toute cette opération qui a lieu depuis les années 90 où on essaye de restaurer le Rhône. Cette réparation, on la conçoit à la fois comme on a un certain sentiment de culpabilité, une responsabilité de devoir préparer, mais en même temps, il y a une dimension un peu utilitariste. On considère qu'un cours d'eau qui fonctionne bien, qui est en bonne santé, permet d'assurer en quelque sorte des fonctions, d'apporter des bénéfices aux sociétés riveraines durablement. Donc en Europe, on a une directive qui s'appelle la directive cadre sur l'eau, qui date des années 2000, qui a pour objectif d'améliorer l'état écologique des eaux à différents horizons. Et donc, pour les pays européens, c'est un outil qui est extrêmement intéressant puisqu'il permet, en quelque sorte, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue collectif, de mettre en œuvre une politique réparatoire. Cette politique-là, 2000 pour l'Europe, il faut imaginer qu'en France, elle a commencé à être mise en œuvre dans les années 80 et surtout dans les années 90 avec une loi assez importante pour la politique de l'eau qu'on appelle la loi sur l'eau de 1992 qui met en place des outils permettant de mettre en œuvre cette politique-là. Donc vous prenez la canne, vous la tenez comme ça, donc là c'est la canne. Mmh. Vous mettez ces deux doigts là, vous mettez comme ça, mmh. Hop, et après vous tournez avec la poignée à une certaine vitesse et voilà. Tenez. Allez-y, allez-y, c'est maintenant. Ah, il y a un poisson. Oui. Ah, allez. Ah, il faisait 60, c'est dommage. Il est retourné. Non, mais il était piqué juste. Ah, là. De toute façon, nous on les relâche tous, c'est juste pour. Ça, c'est un petit ça. C'est un tout petit ça. Hein? Bah pas mal, hein? C'est le deuxième de la journée là. Et ça mange quoi ces bestioles? Franchement ça mange le tout, vraiment. Ça va manger du caneton jusqu'au tout petit poisson. En passant par le pigeon. Tout ce qu'ils trouvent, c'est hyper opportuniste. Et les silures c'est encore pire, les silures ça mange vraiment un bout de fromage tombé dans l'eau, un vieux kebab pas fini, tout y passe. Ici, il y en a jusqu'à 1,20 m des brochets comme ça. Par contre, quand il fait 2 mètres au bout, d'un point de vue du combat, c'est vraiment très costaud, quoi. Ça dure longtemps et c'est très puissant, quoi. C'est ça que je cherche. Voilà, c'est ça le qu'on combat. Cherche. C'est le combat. Le fleuve est abîmé, qu'est-ce qu'on répare? On a un fleuve alpin qui est devenu une petite rivière de plaine, notamment dans les Rhônes court-circuités. Il faut retrouver un fleuve vif et courant. Donc pour ça, il y avait plusieurs orientations. Une première idée, c'était de relever le débit réservé, faire passer un peu moins d'eau dans les canaux et un peu plus d'eau dans les sections court-circuitées, dans le fameux Vieux Rhône. Donc pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure on a pris l'exemple de Pierre-Bénite, débit moyen annuel 1000 m3 par seconde. On avait un débit réservé de 10 à 20 m3 avant la restauration. On est passé à 100 m3 par seconde après la restauration. Donc c'était 1% avant et on est passé à 10%. Exactement. Alors vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit le Rhône du 19e siècle, c'est un Rhône avec des bras multiples. Et donc, quand on regarde aujourd'hui le paysage, eh bien, certains de ces bras existent encore. Ils sont secs, ils sont boisés. Dans certains cas, il y a des mares où il y a des zones qui sont encore en eau, légèrement connectées au fleuve. Mais l'idée, c'est de reconnecter ces bras, de faire en sorte qu'on n'ait plus un lit à chenal unique, mais des chenaux multiples. Ce qu'on appelle les launes aussi, hein, c'est les launes. Exactement, ça ce que l'on appelle les launes. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de bras morts, de launes, qui ont été restaurés. La question, c'est comment faire mieux avec le fleuve que l'on a aujourd'hui. Ça, c'est un bras. C'est une île, ça. Ça, c'est l'ancien lit du Rhône. Donc nous, le bateau, il est juste là, en fait. C'est mes collègues qui attendent. Votre spécialité, c'est quoi, Jean-Michel Olivier? Moi, je suis biologiste. Je travaille sur la biologie des poissons et sur l'écologie des poissons. Là, aujourd'hui, vous êtes au bord du fleuve avec donc un petit bateau à moteur. Ouais. Votre équipe, là, il y a 4 personnes sur le bateau. Vous avez tous des vestes de car. des sacs étanches. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, justement, on fait un échantillonnage des populations de poissons. Donc on fait de la pêche à l'électricité. C'est un échantillonnage qui est réalisé tous les ans, dans tous les tronçons qui sont suivis. C'est-à-dire que tous les ans, vous venez aux mêmes endroits ? Tous les ans, on vient aux mêmes endroits, on applique le même protocole de pêche. Et on compte, on recense les espèces, on mesure. Vous comptez. Les résultats qu'on a obtenus dans les suivis, les 15 années de suivi post-restauration, montrent que globalement, on a retrouvé partiellement, mais on a retrouvé cette diversité d'habitat et on a retrouvé la biodiversité qui était associée. Et ça, c'est le point fort du suivi, c'est-à-dire que la première bonne nouvelle, c'est que certaines espèces qui étaient présentes avant la restauration, probablement avec des densités très très faibles, ont recolonisé ces habitats. Donc, en fait, elles ont des populations qui se développent à nouveau dans Ça, on le constate. Et puis, d'autre part, ce qu'on cherche à favoriser, c'est un groupe d'espèces que nous, on a appelé les espèces d'eau courante, qui sont la blette, le hotu, la vandoise, l'ombre commun et le barbeau, qui sont des espèces qui affectionnent les milieux courants, c'est-à-dire où on a une grosse vitesse de courant, mais aussi des profondeurs importantes, c'est-à-dire, en fait, des habitats qui sont caractéristiques des grands fleuves. Et ce sont ces espèces-là qui ont des caractéristiques dites fluviales que la restauration va chercher à privilégier. Vous mesurez aussi la qualité de l'eau ? On la mesure de manière assez grossière, mais on a des collègues qui travaillent de très près sur la qualité de l'eau. Et puis l'agence de l'eau la mesure régulièrement. Et on voit bien que les efforts qui ont été faits dans les années 80 sur l'épuration de l'eau, etc., ont porté des fruits au niveau de la qualité de l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez au milieu du Rhône, là, vous regardez le fond, les galets sont propres, il n'y a pas de développement d'algues filamenteuses, etc. Ça veut dire que quand même, la quantité de nutriments qui circulent dans l'eau, elle n'est pas nulle, mais elle est suffisamment faible pour empêcher les proliférations d'algues, même des années très chaudes comme cette année. Par contre, on a fait des études, il y a 4-5 ans, sur l'effet potentiel des micropolluants, c'est-à-dire tous les cocktails de polluants qui circulent dans l'eau, les pesticides, les hydrocarbures, les PCB, évidemment, parce qu'il y a une grosse étude PCB sur le Rhône. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de molécules qui circulent dans l'eau, pas forcément à des concentrations très, très importantes. Et on a montré que les poissons qui étaient les plus exposés à des concentrations importantes, mais aussi à des gammes de produits assez variées, présentaient une altération au niveau du développement embryonnaire. C'est-à-dire, une fois qu'il y a eu fécondation, le développement des œufs, il y a une mortalité au niveau du développement embryonnaire qui est très très importante. Et puis surtout derrière, pour les œufs qui arrivent à éclore, il y a des tares au niveau des larves, des très jeunes stades de développement qui sont rédhibitoires, c'est-à-dire que les poissons meurent très très vite. Et puis il ne faut pas oublier que le Rhône, c'est pas que le Rhône, c'est son bassin versant. Donc l'agriculture sur les bassins versants, l'industrialisation sur les bassins versants, tout ça converge vers le Rhône. C'est pour dire que à côté de la réhabilitation physique du milieu, on a quand même ces problèmes-là qui sont des problèmes. Bon, on a une pollution atmosphérique aussi par les pesticides et une pollution aussi dans l'alimentation. Mais globalement, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire si on voulait encore travailler sur le maintien des espèces dans ces milieux-là. Est-ce que la restauration qu'on a entamée maintenant depuis une quinzaine d'années sur le Rhône, est-ce que selon vous, elle est à la hauteur du traumatisme du fleuve ? Je pense que la restauration, je vais le dire crûment, fait tout ce qu'elle peut. Il y a des moyens considérables qui sont mis, financiers, humains, techniques. Il fallait le faire. C'est fait. Mais c'est pas à la hauteur. Ce sera jamais à la hauteur. Pourquoi ? Quand on considère la perte de paysage et la perte de fonctionnement naturel, il s'agit de 400 à 500 kilomètres qui ont été modifiés. C'est le fleuve le plus aménagé au monde. Entre le nucléaire et les barrages hydroélectriques, c'est un aménagement énorme. Alors, il a été essentiel pour notre économie. On s'est relancé après la Deuxième Guerre mondiale avec Génicia. Enfin, c'est un fleuve qui, à beaucoup d'égards, est symbolique et très important pour nous. Donc, la génération de mes parents l'a choisi. Et aujourd'hui, on gère les effets de ce choix politique qui a été accepté par tous, par tout le corps social. Mais aujourd'hui, quand on parle de restauration, de quoi parle-t-on ? On parle d'environ 100 à 150 kilomètres seulement de vieux Rhône, c'est-à-dire de bras abandonnés, court-circuités, comme on dit, par des canaux industriel, cadeau de production hydroélectrique. Si on prend les retenues, les retenues des ouvrages, les réservoirs, les canaux, on a là des milieux à très faible intérêt écologique et on ne pourra pas les restaurer. La restauration qui a touché la restauration des bras morts, la remontée des poissons, la remontée des débits, oui, elle a des effets positifs, mais partiellement positifs et sur une portion de l'espace. Enfant, gardez-vous d'aller jamais nager dans les bleus profonds de l'eau qui dort ou dans les noirs tourbillons des gouffres. J'ai toujours entendu dire qu'au fond du Rhône s'ouvrent des bas-fonds ignorés depuis que le monde est monde, que hante un esprit follet nommé le Drac. Beau, souple comme une lamproie, il glisse dans l'entonnoir à remous. Blafard, il a des yeux de glace qui vous percent. Et là, on arrive à cette représentation qui a traversé les siècles, sinon les millénaires, qui est l'idée d'une circulation interne des eaux. Mais plus fort encore, écoutez, écoutez. Alors, circulation interne des eaux, c'est-à-dire que les fleuves hissent de la mer et retournent à la mer. C'est-à-dire qu'on a un réseau hydrographique, tête-bêche, souterrain. En sens inverse. En sens inverse. Et à partir de centaines de vénules, littorales, sublittorales, l'eau de la mer s'engouffre, et puis il y a des convergences, des confluences, de confluences et confluences, jusqu'à des rameaux principaux qui remontent vers le pays des sources, et qui sont de plus en plus profonds, qui traversent des gouffres, des vergues, des traconesses, des conduits d'eau et d'air et de gaz mêlés. Sous le lit du fleuve, sous la terre. Donc voilà. on pense que les eaux descendent des montagnes, se jettent à la mer... Et remontent vers les montagnes-mères. C'est un circuit perpétuel. Et c'est seulement à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, que cette représentation a disparu. Alors, ces connexions avec les profondeurs peuvent être dangereuses, parce que dans ce monde souterrain, les lois naturelles ne sont plus souveraines, et que la nature doit composer avec des forces qui relèvent de la surnature, donc qui ne sont plus contrôlés par des phénomènes que la raison pourrait comprendre. Et c'est ce que les anciens appelaient le Tartare, c'est-à-dire un espace qui est soumis à des forces démoniaques la plupart du temps, quoi. Et de temps à autre, ce monde souterrain se déchaîne, se révèle, des monstres marins, des léviathans, qui ressurgissent d'un gouffre près d'Arles. C'est le Malcrozet, par exemple, et c'est Saint-Trophime qui domestique le gouffre en question, qui anéantissait la vie dans les environs, quoi. C'est la Tarasque, Tarascon, quoi, jusqu'à ce qu'elle soit domestiquée par Sainte-Marthe. On l'a déjà vu, les yeux demi-fermés, nus comme un ver au fin fond d'une gorge, alangui au grand soleil sur le sable, la tête à la renverse sur le coude, têtant la lumière comme le lézard. L'usage du fleuve, le fleuve fâché, une émission de Martine Abatte réalisée par Annabelle Brouard. Prise de son, Laurent Macchetti. Mixage, Julien Douminc. Lecture, Laure Giappiconi. Merci à Claude Guerre et Alphonse Arias. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast avant le naufrage, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Demain, quatrième épisode, au bout du fleuve.